Vous êtes à l'écoute de... De Transjona. De Transjona. De Transjona. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjona. De Transjona. De Transjona. De Transjona. Salut. Ce soir, à Transanar, l'émission anarchiste de Radio Libre qui passe tous les premiers et troisièmes mercredis ou quatrième mercredi du mois sur radioairlibre.net ou sur 87.7 FM à Bruxelles. Ce soir, on n'est pas en studio, mais on vous passera l'enregistrement de son de la balade Abolish Frontex qui a eu lieu le samedi 18 décembre dans le quartier européen à Bruxelles, organisée dans le cadre de la campagne Abolish Frontex par Agir pour la paix, Solidarity is not a crime, niemand is illegal. Un grand merci à Suzy de Radio Panique pour la collaboration d'enregistrement de son de cette balade avec des interventions musicales. Le titre d'appel de cette balade, c'était Your Racist Border Skill, Abolish Frontex, et le texte de l'annonce, c'était la suivante. Un naufrage à Calais qui sert de prétexte à renforcer les frontières nord de l'Europe. Des appels à la libération et protection des captifs de l'enfer libyenne ignorés par l'Union européenne. Des appels non moins désespérés des détenus dans les camps sur les îles grecques. Des milliers de personnes coincées dans un no man's land gelé jouaient d'un conflit entre la Pologne et la Biélorussie. Plus de 1700 personnes ont perdu la vie cette année aux frontières de l'Europe. Alors, on peut continuer de nourrir des croyances, le fantasme que la construction de murs et la militarisation des frontières sont la solution à la question migratoire. Alors, on peut continuer à accuser les passeurs, à criminaliser les associations solidaires, les personnes en migration elles-mêmes. Mais on peut aussi se tourner vers les premiers responsables que sont les auteurs de ces politiques migratoires aussi irrationnelles que criminelles. L'Union européenne, les États membres, les lobbies de l'armement Frontex. Notre colère n'est pas à terre. Ce 18 décembre, journée internationale des migrants, nous serons dans la rue. Parcours, performances artistiques et interpellations. Les responsables politiques se cachent dans nos rues. Exposons-les. Et les revendications de la campagne Abolish Frontex, que vous pouvez trouver aussi sur leur site, c'est fr.abolishfrontex.org. C'est abolir Frontex, régulariser les personnes en migration, arrêter toutes les expulsions, mettre fin à la détention, arrêter la militarisation des frontières et le complexe militaro-industriel, arrêter la surveillance des personnes en déplacement et plutôt renverser la solidarité, mettre un terme au rôle de l'Union européenne qui pousse les gens à se déplacer, liberté de circulation pour toutes et tous, stop au régime frontalier de l'Union Europe. Ben, maintenant, on va passer le reportage sonore qui dure 1h30 et essayer d'imaginer des idées créatives pour la suite. C'était ça un but aussi de cette balade, d'informer pour agir. Ben, bonne écoute et bonne balade. La commission, celle-ci, là, est censée être la gardienne de la bonne application des traités. Et cet écart qu'on voit aujourd'hui entre le droit et la politique se creuse toujours un peu plus. Par exemple, le droit européen prévoit la protection internationale, mais ferme les yeux devant les abus commis à divers endroits aux frontières de l'Europe. Il s'agit d'un choix de l'Union européenne. Elle ne semble toujours pas chercher de réponse, de proposer une vision humaine et harmonieuse en matière de migration. Elle se contente de préconiser la dissuasion et d'organiser l'externalisation des frontières. Et c'est dans cet esprit que l'Union européenne et la Turquie en premier, avec les accords de Khartoum plus tard, ou les accords de La Valette, dès 2016, ont prévu des échanges entre argent et fermeture des frontières à l'extérieur même de l'Union européenne. Et ces traités ont été le coup d'envoi de l'utilisation des personnes en migration, comme levier, comme outil de chantage. C'est ainsi que nous voyons l'utilisation que font les pays tiers de ces personnes comme des pions ou des armes. Et ceci résulte clairement du choix de l'Union européenne. Turquie, Maroc, Libye, ça se passe à tous les endroits. Alors, sous prétexte de gérer les flux migratoires, la Commission, qui injecte des sommes faramineuses dans ces pays, accepte la violation systématique des droits fondamentaux. Aux frontières de la Grèce, de la Croatie, de la Bosnie, de la Serbie, de l'Espagne, de la Turquie, de la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Hongrie, l'Italie, la France, l'Autriche, la Slovénie, l'Espagne et maintenant la Lituanie, l'Estonie et la Pologne. À aucun moment ne semble exister une analyse sérieuse des causes de la migration ni une prise en compte de la voie des migrants, repoussés, pushback, refoulés, pullback, au cours de leur parcours de plus en plus dangereux. Alors ici, je vais céder la parole. Rappelons ici que la Commission joue un rôle essentiel dans ses choix de rejet aux frontières de l'Europe. Premièrement... Donc voilà, ici, nous allons parler du rôle essentiel de la Commission dans toute cette politique de migration, la Commission qui est quand même nous tous. En fait, c'est la Commission... C'est elle qui compose, si vous voulez, tous les fonctionnaires qui travaillent sur les projets. Et tous ces fonctionnaires sont en fait des personnes non élues. Le projet est proposé avec un budget annuel. Le budget doit ensuite être approuvé par les États membres. Et ça, ça se fait au sein du Conseil de l'Union. Et ensuite par le Parlement européen, qui lui est élu au suffrage universel ou direct. Oui, mais c'est la Commission qui propose. C'est elle qui propose le projet. C'est elle qui propose les priorités et détermine en premier les enveloppes. Deuxièmement, c'est elle aussi qui nomme les agences. Les agences, c'est-à-dire quoi? Les agences sont des organes décentralisés qui sont là pour accomplir des tâches techniques, des tâches scientifiques, des tâches dues au règlement et des tâches opérationnelles. En ce qui concerne ces agences, Frontex n'en est qu'une parmi environ 40. Elles sont gérées par un directeur et un comité directeur. Tous les deux sont nommés par la commission. Alors, il y a quelques exemples d'agences. On peut parler de l'Agence européenne pour l'environnement qui a son siège à Copenhague. On peut parler de la EMA, Agence européenne des médicaments, qui est basée à Amsterdam. Il y a l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, dont le siège est à Cologne. Il y a même une agence européenne pour la sécurité maritime, figurez-vous. Le siège est à Lisbonne. Elle contribue à renforcer le système global de sécurité maritime dans les eaux communautaires, de manière à réduire les risques d'accidents maritimes, de pollution par les navires et de décès en mer. Donc cette agence existe aussi. Et puis, bien sûr, l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont il est à noter que la Commission semble se distancer comme s'il s'agissait d'un élément libre. Voilà ce premier petit point. Donc, ainsi, la Commission européenne, gardienne des traités, elle garante de l'intérêt général de l'Union européenne, véritable pouvoir exécutif de l'Union européenne. Elle propose la plupart des législations, elle met en œuvre les décisions et gère les affaires courantes. Alors cette Commission européenne, pourtant, à travers ses politiques, s'approprie le récit de menaces dont on parlait tout à l'heure. Elle boude les frontières, elle les boucle, elle empêche l'accès au territoire européen et elle rend le territoire plus sûr. Et ce sont ces termes. Sécuriser les frontières devient une priorité et des lobbies d'armement sont là pour le rappeler à l'Union européenne. Alors l'Union peut en même temps développer le secteur de l'armement et des nouvelles technologies, tester le matériel aux frontières et acheter ce matériel aux entreprises européennes. L'Union est donc au cœur de la course à l'armement sur le marché mondial. Militariser les frontières, construire des murs, constituer une armée, pratiquer de la détention et du refoulement des migrants, la boucle est bouclée. Le serpent peut se mordre la queue. Plus les passages sont difficiles, plus il faudra vendre des équipements militaires. Rien que pour les politiques européennes aux frontières extérieures de l'Union, le budget alloué de 2012 à 2027 s'élève à 35 milliards d'euros. Au milieu de tout ça, il y a l'agence Frontex qui permet de faire la courroie de transmission entre l'Union européenne et les entreprises d'armement. Et on y va, c'est par là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà pour ceux qui n'étaient pas encore là. Je poursuis la visite. Faites vraiment gaffe à la piste cyclable. Si jamais, sinon le vélo fera un petit tour. Donc nous sommes ici devant une antenne bruxelloise de l'agence Frontex. Le siège se trouve à Varsovie. Comme dit plus haut, il s'agit donc de l'agence européenne de garde frontières et de garde côtes. Hein. Son vrai nom, c'est EBCG, European Border and Coast Guard. Et sinon, on l'appelle Frontex, qui est la contraction de frontières et de extérieur. Donc, c'est l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières de l'espace Schengen. C'est une actrice clé dans la mise en pratique des politiques frontalières. Ce qui n'était au départ qu'une petite agence en Pologne est devenue l'une des plus importantes de l'Union européenne. Un budget de 5,6 milliards d'euros lui est réservé pour la période 2021-2027. Notons quand même que sur ce budget, une partie du budget 2022, c'est-à-dire 12%, ne lui sera allouée qu'à condition que des améliorations soient apportées en matière de contrôle des droits fondamentaux et que les transactions financières, les procédures de recrutement et les passations de marché soient plus transparentes. Alors, comment tout ça va effectivement être contrôlé? Nous n'en savons rien, mais au moins c'est acté quelque part. Alors, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, l'agence va recruter une armée de 10 000 gardes frontières et garde-côtes d'ici à 2027, une armée qui pourra posséder ses propres armes à feu et les utiliser. L'agence aura la permission d'acheter ses propres équipements, tels que des navires, des hélicoptères et des drones, et bien entendu alimenter le marché de l'armement, de la sécurité et de la surveillance. En 2004, ces mêmes entreprises qui vont pouvoir bien profiter de ces contrats juteux, Thales par exemple, Finmeccanica, EADS, Airbus, on passera devant Airbus tout à l'heure, vous inquiétez pas, on leur dira bonjour. Eh bien, ils ont contribué directement au développement de la Commission européenne sur les sujets de développement des marchés. On peut même dire que c'est la Commission européenne elle-même qui est allée les chercher, ces grandes personnalités, ces membres de l'entreprise, pour constituer Frontex et de se mettre devant l'évidence qu'il fallait une armée à l'Union européenne. Donc ce sont les mêmes qui sont consultés pour créer une agence et ce sont les mêmes qui profitent du marché que cette agence va pouvoir développer entre l'Union et l'industrie de l'armement. Alors Frontex est responsable de violations systématiques des droits humains au cours de ses opérations par sa participation aux expulsions, sa coopération avec les pays tiers et son rôle dans le renforcement des frontières de l'Union. Comme on n'est pas loin de l'Angleterre, on va y repasser tout de suite, un petit point d'actualité. Après la noyade de 31 personnes dans la Manche en novembre dernier, Frontex a déclaré qu'elle fournirait un avion dès le 1er décembre 21 pour surveiller le littoral. Et les ministres de trois gouvernements concernés, France, Belgique et Pays-Bas, ont aussi discuté de l'utilisation de drones et de gardes frontières de Frontex pour tenter d'empêcher les gens d'essayer de passer dans les pays nord et ouest européens. Alors cet avion, il est actuellement mis à disposition par le Danemark. Il survole le littoral de Calais jusqu'à la frontière hollandaise. Il ne surveille pas les embarcations en péril au milieu de la Manche. Et là, je vais appeler Stéphanie pour qu'elle nous donne quelques points techniques sur l'agence Frontex. Et tu peux prendre le micro qui est là. Vas-y. Frontex dirige les opérations de contrôle des frontières dans toute la Méditerranée ainsi que dans les pays des Balkans. Les gardes-frontières et les moyens déployés par Frontex ont à plusieurs reprises été directement et indirectement impliqués dans des refoulements illégaux. Les refoulements sont toujours illégaux puisqu'ils sont contraires au droit d'asile et ils sont complices de violences contre les personnes en migration. Frontex est un coordinateur clé des expulsions dans l'Union européenne. Alors que les expulsions constituent déjà un acte de violence en soi, les violences physiques au cours des vols d'expulsion coordonnés par Frontex, le fameux vol militarisé Frontex, ont également été signalées et décrites comme inhumaines. Frontex agit en tant qu'agence de retour de l'Union européenne par le biais d'opérations nommées opérations de retour conjoint. En coordonnant des vols d'expulsion conjoints depuis différents pays de l'Union européenne et en initiant les expulsions, en aidant les retours dits volontaires avec tous les guillemets possibles et en faisant pression sur les pays tiers pour qu'ils réadmettent les réfugiés expulsés. Frontex coopère avec les pays tiers dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour externaliser son contrôle des frontières. Et donc Frontex coopère activement avec et ou déploie ses agents dans plus de 20 pays tiers, dont le Nigeria, le Sénégal et l'ensemble des pays des Balkans. Frontex coopère également avec les soi-disant gardes-côtes libyens, responsables de multiples refoulements vers la Libye, où les migrants sont détenus dans des conditions proches de celles des camps de concentration, et leur dispense des formations. Donc Frontex forme les soi-disant gardes-côtes libyens. Frontex joue aussi un rôle important dans le renforcement du contrôle des frontières des États membres de l'Union européenne. Elle fournit un soutien à la fois humain et matériel aux États membres qui souhaitent renforcer leurs mesures de contrôle aux frontières. C'est une agence qui facilite aussi l'acquisition par les pays de l'Union européenne de technologies et de produits de surveillance et de contrôle des frontières en agissant comme un intermédiaire entre les États membres et les entreprises privées de défense et de sécurité. Alors Frontex, elle aussi se raconte. Et elle raconte le récit de menaces. La migration est une menace. À force de répéter ce récit, dire et redire que les personnes en situation de migration sont des menaces, ça va commencer à faire plaisir à l'extrême droite. Ça risque d'alimenter la montée du nationalisme, du racisme, de la xénophobie. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Et donc voilà, Frontex, c'est la partie visible de l'iceberg de la politique migratoire européenne. Il faut voir ici quand même qu'il n'y a absolument aucune inscription qui dit que Frontex a des bureaux ici. Les vitres sont teintées. C'est un mystère. On va tout de suite repartir vers le Royaume-Uni, parce qu'ici ça sent vraiment très très mauvais. Voilà. On peut refaire le chemin inverse, partir par là-bas et se poster devant l'ambassade de la Grande-Bretagne. Et alors aussi peut-être noter, c'est quand même étrange, parce que si vous êtes assis sur les plots en béton, vous voyez que ces plots en béton ont été mis au départ pour la Grande-Bretagne, pour l'ambassade, mais ils l'ont quand même poursuivi jusqu'ici, jusque devant les bureaux de Frontex. Est-ce que Frontex a quelque chose à se reprocher? On avance! Observer que dans un périmètre très étroit, on a déjà beaucoup de monde intéressant, la commission, le conseil, l'ambassade de Grande-Bretagne, Frontex, on a à peine fait 150 mètres. Eh bien, et le Royaume-Uni a aussi comme tard d'utiliser le même discours de la menace. Au cours des dernières années, le gouvernement britannique a aussi dépensé des millions d'euros pour fortifier Calais. Ces barrières hors de prix sont les premières responsables de la mort des 31 personnes noyés dans la Manche en novembre dernier, lorsque leur embarcation a sombré, parce que quand une route est barrée, le voyageur emprunte un autre chemin, et ce n'est pas un proverbe bouddhiste, c'est du bon sens. Quand quelqu'un va quelque part, ce n'est pas une barrière qui va l'empêcher d'y arriver. Le jour même de la tragédie dans la Manche, la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni a annoncé la création d'un nouveau centre de détention. Cette ministre tente également, et c'est encore en négociation, de faire passer une politique visant à repousser vers Calais les bateaux des personnes qui tentent de traverser la Manche. Cette politique de refoulement est vivement contestée, notamment par le syndicat des services publics et commerciaux britanniques, PCS. Ce syndicat représente aussi les forces frontalières britanniques. Il menace, lui aussi, d'engager des actions syndicales si la politique est mise en œuvre. Plus de 23 000 personnes ont tenté d'entrer au Royaume-Uni depuis le début de l'année 21. Depuis 2012, le Royaume-Uni met en place un environnement hostile pour les personnes en migration afin de les décourager de se rendre au Royaume-Uni. Les politiques d'environnement hostile comprennent des mesures qui limitent l'accès au travail, qui limitent l'accès au logement, qui limitent l'accès aux soins de santé et aux comptes bancaires. À cela s'ajoute les frais pour l'introduction des demandes de migration prohibitifs, la politique de détention indéfinie, la séparation forcée de certaines familles et les raids d'immigration. L'hypocrisie des politiques migratoires du Royaume-Uni, pays largement construit sur le colonialisme et l'esclavage, cette hypocrisie est apparue dans les médias en 2018 avec le scandale Windrush. Windrush, ce sont des personnes de la génération Windrush dans les années 70 qui sont détenues à tort, privées de droits légaux et menacées d'expulsion. Alors de quoi s'agit-il ? La génération Windrush a été nommée d'après l'Empire Windrush, l'Empire Windrush, un navire, c'est le nom d'un navire, qui a amené le premier grand groupe de personnes des anciennes colonies britanniques des Caraïbes au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale pour aider à combler les pénuries de main-d'œuvre d'après-guerre. Ils ont obtenu le droit de s'installer indéfiniment dans le pays, sans restriction. Et pendant le scandale Windrush, au moins 83 personnes arrivées en 1973, alors que ça se passe là maintenant en 2018, ces personnes bénéficiaient de tous les droits légaux, elles ont été expulsées. Et cela concerne environ 11 500 personnes de cette génération Windrush qui n'ont jamais été indemnisées pour l'esclavage et qui ne devaient jamais être expulsées par le gouvernement britannique. Et il n'y a aucune compensation pour ces pauvres personnes aujourd'hui. Alors on va vraiment se barrer d'ici parce que ça sent vraiment trop mauvais. On va repartir, on va recroiser en faisant le tour plutôt du rond-point pour aller vraiment sur la rue qui se trouve à droite de la Commission européenne. Je vous invite à me suivre, on y va, on continue. N'hésitez pas à vous rapprocher encore. Ça vous dit une petite chanson ? Oui ! Entassés dans les geôles, on se bat pour le papier peint. Des miettes, un fond de gnôle, grappillé aux gardiens. On tape sur l'étranger, qu'on tape dans notre cellule. Plus capable de penser, peut-être qu'on nous manipule. Mais notre Seigneur, dans son palais, au-dessus de nos têtes, fait soit encore le cœur léger de ses dernières conquêtes. Dehors, ils se bousculent sur de maudits rafiaux. Les armes, elles circulent entre salles et d'assaut. Les murs sont épais, percés de meurtrières. Les remugles de la paix, corollaires de la guerre. Mais notre Seigneur, dans son palais, au-dessus de nos têtes, fait soit encore le cœur léger de ses dernières conquêtes. Démocratie de matraque et de lacrymo contiennent les crises jusqu'au crack, château de domino. la morale à l'étal au jour du grand marché et le jour du Black Friday. Mais notre Seigneur, dans son palais, au-dessus de nos têtes, fait son corps le cœur léger de ses dernières conquêtes. Des racines racistes assurent les fondations de ce gros édifice de nos États-nations. Notre bon vieux continent, embourbé dans son linceul, se pavane en ruminant l'idée qu'il se fait tout seul. Mais notre Seigneur, dans son palais, au-dessus de nos têtes, fait son corps le cœur léger de ses dernières conquêtes. Attention Antigone, délit solidaire, toujours on t'emprisonne si tu es de ton frère. Elle force l'entrée du port, arrêté, menotté, qu'importe son propre sort, capitaine racketté. Mais notre Seigneur dans son palais au-dessus de nos têtes fait son corps le cœur léger de ses dernières conquêtes. Bravo. Merci beaucoup Kevin. Ici donc, je vous invite juste à vous retourner, à regarder cette magnifique baie vitrée et à travers de laquelle vous pouvez voir un écran plat qui indique les étages. Et donc au troisième étage, vous avez Thalès. Voilà, nous sommes ici au pied d'un des bureaux de Thalès auprès de l'Union européenne. Alors, ce genre d'entreprise profite doublement de la militarisation des frontières. D'abord, elle profite de la vente des armes qui alimentent la répression des conflits et forcent les gens à quitter leur pays. Et ensuite, elle profite de la fuite des personnes qui désirent gagner l'Europe et contre qui il faut construire des clôtures et des murs. Et donc, production d'équipements de surveillance, de drones, de navires. Et donc voilà, c'est le double jackpot. Thalès est bien content d'être content. Alors ici, donc, nous sommes devant ses bureaux. Thalès, c'est une entreprise qui naît de la privatisation partielle de l'industrie de l'armement française. L'État français en est toujours actionnaire à 27%. La moitié de son chiffre d'affaires provient de la vente de matériel sécurité-défense. 11 milliards 162 millions pour les 9 premiers mois de 2021. Ça marche plutôt bien. Le marché européen est très important pour Thalès. Alors on comprend aisément pourquoi ils ont des bureaux ici. Hein. Il suffit de carrément traverser la rue pour aller négocier un gros contrat. Ce n'est pas la seule entreprise qu'on trouve d'armement dans le quartier. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va passer devant Airbus tout à fait bientôt. Alors début 2012, Thalès est une société espagnole nommée Aerovision. Et Aerovision présente un nouveau système de surveillance des frontières côtières et maritimes. Et il s'agit d'un drone de surveillance et d'identification maritime appelé Fulmar. Fulmar, très très, très joli. Son coût est environ 1 100 000 euros. Il est testé pour la première fois lors d'une démonstration en vol organisée par Frontex, comme par hasard. Je vous invite à aller voir sur YouTube la bande-annonce, la publicité est vraiment géniale. Fulmar sur YouTube, vous allez voir, cet engin est incroyable. Il est capable de décoller et d'atterrir sur des terrains hostiles. Ça se transporte dans une petite remorque, vous verrez. Ça se tire par une Jeep, vous ouvrez la remorque, il y a une catapulte qui lance un petit avion. Et puis donc, il peut décoller de n'importe où. Il peut même aller en pleine mer, il a une très très grande autonomie, une caméra très précise. Et aussi, pour le réceptionner, il suffit d'étendre un grand filet et hop, le drone se met dedans et on repart avec la petite remorque. Alors, je vous lis le communiqué de presse de Frontex à l'occasion du premier vol de Fulmar. La surveillance et le contrôle des frontières sont essentiels pour garantir la sécurité intérieure d'une nation. Avec l'accroissement des risques et des menaces, immigration clandestine, trafic de drogue, menaces terroristes, les gouvernements réclament un plus haut niveau de sécurité pour leurs frontières, d'où la nécessité de collecter toute l'information nécessaire. Voilà, fermez les guillemets. On commence à se familiariser avec ce genre de récit. Ici, sur le langage, on va un cran plus loin, on crée les amalgames, écoutez bien le package, immigration clandestine, trafic de drogue, terrorisme, auquel on ajoute, selon les moments, traite des êtres humains, passeurs. Vous avez tout entendu comme moi. Tout ça est entré dans le langage courant, dans les communications officielles de l'Union européenne et dans celles des entreprises de sécurité et défense. Même vocabulaire répété partout jusqu'à la nausée. Alors, ironie du sort et frontières floues entre public et privé, Ce type de matériel est régulièrement, partiellement ou totalement financé par les fonds européens pour la recherche et le développement. Donc l'Union européenne réunit des groupes d'experts qui sont chargés de définir les besoins dont l'Union européenne a besoin. Et ces groupes d'experts, comme j'en parlais tout à l'heure, ben, ce sont les mêmes. Ce sont les dirigeants des grandes entreprises d'armement qui sont réunis autour de la table, financés par l'Union européenne, qui elle-même après va acheter ce matériel. Donc c'est double, voire triple jackpot. On va avancer à un point suivant, on va faire demi-tour. Je vais passer ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vous pourrez aller vous renseigner ou on peut en discuter sur la route ici. Une petite anecdote quand même, avec des conflits d'intérêts tout à fait réjouissants. Il y a, pour dire que les personnes travaillent parfois même aux deux endroits, il y a c'est un article qu'on a trouvé sur Mediapart, il y a une dame qui travaille pour Thales, c'était en 2018, et en même temps, elle avait ses bureaux comme conseillère à l'ONU. Et donc, elle était une agente directe de Thales pour vendre du matériel à l'ONU en surveillance des frontières. Un lanceur d'alerte a permis de s'en apercevoir, et évidemment, Thales a démenti. On s'en est aperçu parce qu'au moment où elle allait vraiment négocier des contrats juteux, on a intercepté un SMS où elle dit à Thales, pour ce que je vais vous obtenir, ce serait quand même pas mal que vous m'augmentiez mon salaire. Et donc ça a été intercepté et depuis, la justice est en train de mener l'enquête. Voilà. Voilà pour cette petite anecdote croustillante. Je vous invite maintenant à faire demi-tour et à prendre à droite où on va descendre vers l'ambassade de Pologne. A tout de suite. Arrêtons la militarisation des frontières. Vila, vila, vila, Panama, la couleurs rouge et blanc, c'est de la Pologne. Vous sentez la violence qui monte d'un cran ? C'est l'escalade dans l'ignominie. Les personnes en situation de migration deviennent une arme géopolitique. Le contexte actuel à la frontière de la Pologne mérite qu'on s'y arrête un petit peu parce que c'est inédit dans l'histoire de l'Union européenne. Petit rappel des faits. Après l'élection présidentielle de 2020 en Biélorussie, se forme un large mouvement d'opposition contre le président réélu Alexandre Loukachenko. Cette opposition est sévèrement réprimée par le président. Des sanctions sont prises, y compris par l'Union européenne, contre le régime d'Alexandre Loukachenko. À partir de la mi-août 2021, Alexandre Loukachenko fait venir en Biélorussie des milliers de migrants et les conduit à la frontière polonaise. Mais la Pologne leur refuse l'accès au territoire de l'Union européenne. Résultat, les migrants sont abandonnés à la frontière, meurent de faim, de froid et de déshydratation. Parmi ces personnes, certains fuient la guerre ou les persécutions des talibans, d'autres souhaitent rejoindre leur famille et donner à leurs enfants un avenir meilleur. Mais Alexandre Loukachenko connaît la politique migratoire européenne. Il sait que c'est notre talon d'Achille. Il sait la réticence des peuples et des gouvernements à accueillir les populations en fuite. Il sait la peur de l'autre qui habite nos esprits et guide nos réglementations et nos politiques. Il sait par où frapper, diviser. Le gouvernement Loukachenko organise des vols réguliers et des charters pour transporter ces personnes depuis la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, et il les conduit de force, par contrainte ou manipulation, à la frontière polonaise. Les militaires biélorusses aident les migrants à passer en trouant la clôture et ils les forcent à traverser sous la menace. Là, plutôt que d'être accueillis dans des centres, et de pouvoir y introduire une demande d'asile, elle se voit immédiatement repoussée vers les militaires biélorusses par les militaires polonais. Et ils sont pris en tenaille, jouets d'une politique internationale immonde qui ne les regarde pas. La Pologne décrète une zone d'exclusion. Ni les ONG, ni l'aide médicale et humanitaire, pas même la Croix-Rouge, ni la presse ne peuvent accéder à la zone frontalière. Coincés dans cette zone frontalière, les migrants sont laissés sans ressources, sans logement, dans les conditions les plus indécentes, utilisés, déshumanisés. Une femme de 38 ans, enceinte de 6 mois, a fait une fausse couche après avoir passé plusieurs jours dans la forêt. Elle est décédée quelques jours plus tard d'une septicémie. Elle avait 5 enfants. Début décembre, une petite fille irakienne de 4 ans a été laissée seule du côté polonais de la frontière alors que ses parents ont été refoulés en Biélorussie. Ils ont été empêchés de se mettre à sa recherche. En début de semaine, des associations locales la cherchaient toujours, mais les conditions météo laissent peu d'espoir de la retrouver vivante. Le 18 novembre, un petit garçon de 1 an, affamé et déshydraté, est mort après avoir passé 6 semaines dans la forêt. Pourtant, ces pushbacks sont contraires aux droits européens et internationaux, notamment au principe de non-refoulement, consacré par la Convention de Genève et par les directives de l'Union européenne. Ces textes interdisent que soient refoulés des demandeurs d'asile sans que leur demande n'ait fait l'objet d'un examen individuel. Ces textes interdisent également que des États n'expulsent ou ne refoulent des personnes vers un pays où leur vie serait en danger. Méprisant totalement les droits fondamentaux, la Pologne a déployé plus de 12 000 gardes à la frontière biélorusse et a entamé la construction d'un mur frontalier, tout comme la Lituanie et la Lettonie. La Commission européenne a refusé de financer ce mur, mais la plupart des États membres ont encouragé son érection. En revanche, l'Union ne s'oppose pas au financement du matériel de défense qui sera utilisé, tel que caméras, senseurs thermiques, etc. Et c'est Thalès qui va se remplir les poches. 32 ans après la chute du mur de Berlin, de nouveaux murs s'érigent en Europe pour empêcher les êtres humains de se déplacer. Mais la construction d'un ouvrage d'art digne de ce nom méritait bien une petite inauguration. C'est la cerise sur le gâteau, le coulis sur la bûche de Noël, du sang sur la neige, du rouge et du blanc, comme un drapeau. Le 5 décembre dernier, le gouvernement polonais décide d'organiser un concert de soutien aux troupes en uniforme à la frontière. Il invite une pléiade d'artistes locaux. On y retrouve des stars internationales oubliées. Souvenez-vous de Lou Bega, La Sketchup. Une gigapartie du style Eurovision, avec effet de lumière, feu d'artifice, et dans le décor, un véritable avion de chasse. Tout cela en direct à la télévision. Le cynisme n'a plus de limite. Mais ils oublient que nous aussi, on sait chanter. Musique, s'il vous plaît. Y ahora el fuego que se alza en la lucha con voz de gigante y calor. vencido, el fuego unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Yeah. nation, liberté, circulation, ni frontières, ni nation, liberté. D'Italie. Quel drôle de bâtiment, c'est marrant d'imaginer le contraste entre ce marbre gris, ces châssis marrons et la pierre du Colisée à Rome. La comparaison est facile, je vous le concède, mais quand même un pays plein de contrastes, des contradictions. Le délit de solidarité en est un autre exemple. Être puni parce que tu viens en aide à une personne et à une non-citoyenne. Si une citoyenne italienne se noie devant toi, tu peux, et même tu dois la sauver. Si une Nigériane, par exemple, se noie devant toi, tu as l'obligation de la laisser mourir. C'est pas ça? J'exagère? Oui, pardon, je peux la sauver en la sortant de l'eau et en la hissant sur mon petit bateau de pêche, mais je ne peux pas la ramener sur la terre italienne et l'emmener à l'hôpital. Je suis coincée. Je n'ai pas assez de fuel pour aller ailleurs, de fuel. Je dois la rejeter à l'eau. Mais ma vieille voisine qui nage tous les matins fait une attaque, elle, je peux la sauver. Les Italiens ne sont pas les seuls dans cette politique de l'horreur et ça ne s'améliore pas, sur terre, en mer et sur les côtes. Souvenons-nous de Mimmo Lucano et de Eleni Testarun. Le tribunal de Locri a condamné l'ancien maire de Riace, Mimmo Lucano, à 13 ans et 2 mois de prison. Cette peine est bien plus élevée que les 7 ans et 11 mois demandés par le ministère public. Monsieur Lucano est accusé de malversation dans la gestion du système d'accueil des migrants à Riace, petit village de Calabre, devenu mondialement célèbre pour sa politique d'accueil à l'égard des migrants. Avec lui, sa partenaire, Lélène Tesfaoun, éthiopienne, a été condamnée à 4 ans et 10 mois alors que l'accusation avait demandé 4 ans et 4 mois. Souvenons-nous de Carola Rackete en juin 2019. Sous Salvini, ministre de l'Intérieur de juin 2018 à août 2019. L'Italie interdisait aux bateaux des ONG de débarquer les migrants et lorsque contraints et forcés, les bateaux le faisaient quand même, le capitaine et ou l'équipage étaient poursuivis en justice pour aide à l'immigration illégale ou trafic d'êtres humains. Souvenons-nous du navire Alan Kurdi de l'ONG Sea Eye, bloqué à Palerme depuis 6 mois. Et avant lui, souvenons-nous des Sea-Watch 3 and 4, de l'Océan Viking, de l'Aïta Marie, dans d'autres ports italiens. Il s'agit de blocage administratif des bateaux des ONG lorsqu'ils débarquent des personnes sauvées en Italie. Le système est clair. On débarque les gens, quarantaine pour l'équipage, 14 jours, puis inspection de sécurité du bateau au port. Ensuite, décision du blocage administratif. Soit parce que le bateau ne satisfait pas des critères administratifs, il n'est pas inscrit comme bateau de sauvetage. Mais le sauvetage en mer est une obligation pour tous les bateaux. Soit parce qu'il ne répond pas à des critères techniques. On compte trop de gilets de sauvetage à bord. Un système d'évacuation des eaux de toilette n'est pas conforme, etc. Finalement, cela ne résout pas une action en justice de l'ONG qui gagne. Le bateau peut reprendre la mer, mais entre-temps, c'est du temps perdu et de l'argent perdu. Et du fric, il y en a encore. Elle en dépense, l'Italie. Il y en a encore du fric italien pour empêcher les gens d'arriver au sud de la botte. C'est la Libye. La Libye, la Libye. Souvenons-nous des accords entre l'Italie et la Libye. On parle de 785 millions d'euros donnés par l'Italie à la Libye en échange de maintien du flux migratoire dans leurs frontières. On parle d'environ 50 personnes refoulées en 4 ans vers l'enfer libyen. L'accord prévoit, entre autres, que la Libye devient responsable de la coordination des sauvetages au large de ses côtes. Ni Malte, ni l'Italie ne peuvent plus le faire. Or, les Libyens ne disposent pas de suffisamment de matériel de sauvetage et les Libyens parlent peu ou mal l'anglais. Ça peut faire sourire comme ça, oui. On pourrait même à d'autres égards s'en réjouir. Mais ici, ça coince. Souvent, les bateaux des ONG qui font du sauvetage appellent les gardes-côtes libyens pour leur indiquer une embarcation en détresse à secourir dans leurs eaux territoriales, là où les ONG ne peuvent pas entrer. Et la communication est impossible parce que les Libyens ne parlent pas anglais. Et surtout, les Libyens ne sont pas formés pour le sauvetage. L'Union européenne ne forme pas au sauvetage. Elle forme au refoulement, pullback. Donc, ces accords bilatéraux et multilatéraux, depuis ceux de Khartoum jusqu'à plus récemment ceux de La Valette, visent à déplacer les frontières de l'Union dans les pays tiers. L'Union européenne et l'Italie externalisent leurs frontières en Libye contre de l'argent. Et, ça va toujours ? Oui. Bon. Et externaliser les frontières extérieures de l'Union européenne en Libye, c'est un problème. La Libye n'est pas considérée comme un pays sûr pour les migrants. Souvenons-nous des migrants vendus comme esclaves. Une fois refoulés en Libye, les migrants sont placés indistinctement en centre de détention où, souvenons-nous, ont lieu des violences sexuelles, du racket, des coups, des disparitions et la mort. Un rapport est déposé auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, à savoir pour crimes contre les migrants en Libye. Souvenons-nous, une plainte a été déposée en 2019. Des milliers de migrants ont été arrêtés en Libye. Souvenons-nous, pas plus tard que le 1er octobre dernier, une grande opération d'arrestation s'est tenue à Gargareche, à 10 km à l'ouest de Tripoli. Officiellement, il s'est agi d'une opération antidrogue. B. Le 2 octobre, ceux qui ont pu s'échapper des centres de détention ou qui n'ont pas été arrêtés se sont rassemblés devant les bureaux de l'UNHCR à Tripoli. Ils demandent une évacuation d'urgence. Beaucoup d'entre eux sont enregistrés à l'UNHCR et attendent un couloir humanitaire pour quitter le pays. Mais en vain. Où iraient-ils ? Puisque l'Europe ne veut pas d'eux. En réaction, l'UNHCR a refusé de leur apporter de l'aide et a fermé ses bureaux pour la sécurité de ses employés. Depuis, les migrants campent devant le bâtiment malgré les menaces d'évacuation, d'arrestation. Ils font face au froid, à la faim, aux maladies et aux milices. À l'exception du pape, leurs appels à l'aide restent sans écho. Ah, je comprends mieux pourquoi il y a une photo du pape sur la façade polonaise. C'est ça. Et ça continue. Ça ne s'arrête pas là. Depuis 2017, 32,6 millions d'euros ont été alloués aux gardes-côtes libyens. Le montant de l'aide financière italienne est passé de 10 millions d'euros en 2020 à 10,5 millions d'euros en 2021. Continuer à soutenir financièrement et indirectement la déportation d'hommes, de femmes et d'enfants vers des centres de détention en Libye, en prétendant que cette réalité n'existe pas, constitue une violation des conventions internationales de protection des droits de l'homme, a affirmé Erasmos Palazzotto du parti de gauche Libre et Égaux. Et pendant que ceux qui ne passent pas les pushbackés, les refoulés vers la Libye, déjà 40 000 pour l'année 21, pendant que cela ne passe pas, il y a ceux qui se noient. Plus de 1400 comptés en 2021. Combien de non comptés? Eh oui, et il y a ceux qui ne passent pas, et il y a ceux qui passent. Ceux qui arrivent en Italie, ceux qui trouvent du travail dans le secteur agricole. On parle de 200 000 travailleurs sans papier. Je me demande bien dans quelles conditions ils travaillent. Exploitation? Esclavage moderne. Presque chaque semaine, l'équipage de l'avion de reconnaissance Seabird de Sea-Watch doit témoigner de pullbacks illégaux financés par l'Union européenne et effectués par les gardes-côtes libyens. Il y a quelques semaines, un jugement a été rendu dans l'affaire du navire marchand Asso 28. Il a confirmé que les renvois vers les pays en guerre civile sont en effet illégaux. Un capitaine du navire a été condamné en première instance à 1 an de prison. Il avait remis des fugitifs sauvés aux soi-disant gardes-côtes libyens qui les ont ramenés en Libye en violation du droit international. L'accord passé par l'Union européenne avec les gardes-côtes libyens n'est pas une solution à l'hécatombe en Méditerranée. Au contraire, il ne fait qu'aggraver la situation. Félix, porte-parole de la mission de reconnaissance aérienne Airborne, le sait de première main. La coopération entre les soi-disant gardes de côte libyens et l'UE ne fait que replonger les fugitifs dans la spirale de la violence en Libye. Elle renforce la souffrance des personnes en fuite au lieu d'y mettre fin. La seule chose qui puisse mettre fin à la mort en Méditerranée, ce sont des voies d'entrée sûres et légales, ainsi qu'une mission de sauvetage en mer organisée par l'Europe. Tant qu'une solution à cette mortalité restera lointaine, nous continuerons à être présents sur place et à nous opposer à la politique de fermeture mortelle. Donc, nous avons reçu un message d'une des personnes en migration, David Yambio du Soudan du Sud, qui est maintenant à Tripoli. Il fait partie des personnes en migration qui s'organisent et manifestent devant le bureau de UNHCR. Le message, c'est en anglais, mais on peut faire une petite traduction. Hello everyone. I'm so happy to hear and see that you are in so many cities on this special occasion. I'm glad to know that there is people outside our living condition that can feel our pain and suffering here in this cold street of Tripoli. As you know, we live literally in the middle of the streets. Since the 2nd of October, it's freezing and raining here, and it will get worse. We lack of every possible human basic need: clean water, food, medical assistance, tents, shelters, sheets, and toilets. It is not easy here, especially after the brutal house-to-house roundups, which took place on October 1st. But we decided not to give up. We met up in front of the UNHCR, and we started demanding our rights. We decided to organize ourselves. We started to speak out loud with our own voice and to speak for the voiceless. We built up a website and a daily social campaign to let you know how things really are here in Libya, because you are betrayed by international institutions, not physically like we do, but from a moral point of view, we are on the same boat. I can imagine how angry you are with your own country and Europe. We feel the same way too. But those values, those ideas, they still exist, and we are the proofs of this. The two sides of the Mediterranean are connected on the same day by the belief in human rights and solidarity in a world with no border and no injustice. If we were able to do all this from here, in our living condition, I can't imagine what we could do all together. Here in Tripoli, there are already 3,000 people ready to join the fight. I wish you all Merry Christmas, and I can't wait to continue this fight together. Refugees in Libya. On poursuit notre route, on va maintenant remonter jusqu'à la petite ceinture et prendre à gauche. On va à l'ambassade de Grèce. Bon courage pour cette fin de marche, à tout à l'heure. Yasu, Yasu, Kalimera, Kalispera, Tikanis, Isikala, Kalaisi, Karistopoli, Telia, Telia, Daxi, Daxi. Everybody here, welcome to Greece, my friends. Bienvenue devant l'ambassade de Grèce. Ah, la Grèce, mes amis, la Grèce. Berceau de notre civilisation occidentale et de la démocratie. C'est aussi une terre de soleil, une terre d'olivier. Que dire de l'hospitalité légendaire des Grecs, de leur culture, de leur théâtre, de leur cuisine, les pitagyros et autres moussaka. La Grèce est aussi des philosophes, c'est aussi des poètes et poétesses, des mythes et des légendes. Et d'où, si ce n'est de la culture grecque, avons-nous retiré le nom même d'Europe, cette princesse qui était enlevée par Zeus, qui avait pris la forme coraux blanc et l'avait menée jusqu'à l'île de Crète. Les îles grecques, hein, c'est à la beauté absolument fabuleuse, ces joyaux de la Méditerranée. Est-ce qu'on entend bien? Tout va bien, ça l'arsène un petit peu, n'est-ce pas? Donc je... Trop vite. Je parlais des îles grecques, les Chti à Mykonos, hein, ça nous évoque tous quelque chose. Et en mer Égée, plein d'autres formidables endroits à découvrir. Malheureusement, depuis quelques années, la carte postale cache une réalité bien plus sombre pour la Grèce, qui est faite de crimes, de camps, de refoulements et de mépris des droits, des vies et de la dignité humaine. Alors pour sa défense, la Grèce ici peut plaider d'avoir été abandonnée par ses pairs européens. En effet, depuis 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement Dublin 3. Mais qu'est-ce que Dublin et l'Irlande ont à faire dans cette histoire de Grèce, me demanderez-vous? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour résumer, Dublin 3 est un règlement qui stipule que lorsqu'un demandeur d'asile pose le pied dans un pays, c'est dans le premier pays où il arrive, c'est ce pays qui est responsable pour le traitement de la demande d'asile de cette personne. Alors, les conséquences de ce règlement Dublin, elles sont énormes pour les pays qui sont en première ligne, les pays frontaliers. Donc, on parle de l'Italie, qu'on a vu tout à l'heure, ici la Grèce, l'Espagne aussi avec le Maroc et les îles Canaries. Ce sont des pays qui vont devoir seuls gérer tout l'afflux migratoire et assumer toute l'administration et tout l'accueil. Alors, pour répondre au pic de la crise migratoire de 2015, où il y a eu des afflux massifs d'étrangers sur ces pays, l'Europe s'est dit qu'il n'arriverait pas à s'en sortir seul, et donc le Conseil de l'Union européenne a mis en place un mécanisme obligatoire de relocalisation dans les pays européens pour bouger les 160 000 demandeurs d'asile présents en Italie, en Grèce. Le but était d'alléger la charge. Malheureusement, la solidarité européenne étant ce qu'elle est de nos jours, ça n'a pas très bien marché. Aussi, pour faciliter toutes ces demandes, la Commission européenne, que nous avons vu tout à l'heure, et le gouvernement grec sont parvenus à un accord. Cet accord qui a fait naître les premiers hotspots, les points chauds, sur 5 îles grecques proches de l'Asie mineure, les îles les plus proches au départ de la Turquie, qui sont Chios, Kos, Leros, Samos et Lesbos. Alors, les points chauds, les hotspots, leur nom officiel c'est RIC, Reception and Identification Center, et nous avons ici une définition selon le Parlement européen. Il consiste en des centres pour mieux coordonner les agences de l'Union européenne et les autorités nationales, par exemple la Grèce, dans leur travail mené sur les frontières extérieures en matière de premier accueil, d'identification, d'enregistrement et de prise d'empreintes digitales des demandeurs d'asile. Bon, ça c'est sur le papier, c'est la théorie. Maintenant, moi j'ai envie de vous emmener pour un petit voyage, aller voir un de ces fameux hotspots, par exemple à Lesbos, qui est une très belle île. Je m'appelle Kevin, j'ai eu la chance de visiter l'île de Lesbos en 2020. Donc, accompagnez-moi pour un petit voyage touristique. Notre voyage commence à Athènes, je prends un ferry pour 45 €, c'est pas trop cher. 12 heures de traversée, j'avais pas de cabine, mais c'était confortable. Et le matin, j'arrive sous un ciel pastel de rose et de bleu, dans une mer émeraude, au bord de Mytilène. Alors là, naturellement, la première chose que je fais, c'est que je mange une bonne pita gyros, puis je me mets en route, je marche le long de la côte grecque, la côte est, et la première chose qui me frappe, c'est de voir en face de moi, à quelques kilomètres seulement, les côtes turques. Les voilà les frontières européennes, d'où je suis, je peux voir les petites maisons des Turcs, même les voitures circuler la nuit, toutes les lumières me font comme des petits clins d'œil. Alors, bon, ben, je continue Au nord de l'île, à Mytilini, à Lesbos, la distance la plus courte entre la Turquie et la Grèce, donc la Turquie et l'Europe, est de 7 km. Si vous vous tenez là, vous vous dites qu'un nageur pourrait effectuer tranquillement sa balade le matin, s'il est bien entraîné, sans problème passer d'un côté à l'autre. Bon, après, la Méditerranée, c'est une autre histoire. C'est pas aussi facile. Et donc, je continue ma balade, et au bout d'un moment, après une heure de marche, je m'enfonce un peu plus à l'intérieur de l'île. Et là, j'arrive dans un petit village typique de la Grèce. Son nom, c'est Moria. C'est très joli, c'est sympa. Il y a une église, il y a deux, trois maisons, il y a des oliviers. Et puis, si on continue un peu, on arrive dans la deuxième partie de Moria. Moria, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Et là, l'ambiance que j'ai en face de moi, plutôt proche des mines de la Moria façon Seigneur des Anneaux ou Auschwitz-Birkenau. Vous pardonnerez la rime un peu choquante, mais ce que j'ai en face de moi, c'est les cendres d'une prison, d'un vrai camp de concentration. Alors, une petite description de ce à quoi ça ressemble, ces fameux hotspots en réalité. Nous avons affaire à des doubles grillages très hauts, bardés de barbelés de l'OTAN. C'est les barbelés en rond avec les lames de rasoir. Vous n'avez pas intérêt à foutre votre bras dedans parce que sinon, ça fait du haché. Ils encadrent un ancien camp militaire grec qui a été reconverti en hotspot, avec une capacité d'accueil de 3000 personnes. Cette capacité n'a pas augmenté au fil des années parce que les murs sont déjà là, donc on ne peut pas avoir plus de place. Mais le nombre de personnes qui sont allées dans ce camp n'a fait qu'augmenter jusqu'à un maximum de 19 000 personnes qui, naturellement, se sont étendues autour du camp et ont commencé à couper les oliviers des Grecs, à tuer le bétail pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se chauffer. Ça mettait une sale ambiance dans le coin. Alors, une petite description de ce bidonville, poétiquement appelé l'oliveraie, olive grove, pour les Grecs. Ici, je vais un peu lire ma fiche, pour vous décrire ces conditions de vie inhumaines. Alors, nous avons des sanitaires insalubres, une toilette qui ne ferme pas pour 100 personnes en moyenne, de la nourriture avariée, des files incessantes de plusieurs heures. Il faut se lever à 3-4 heures du matin, faire 5 heures de file pour avoir accès à un repas quand il n'est pas moisi. Des immondices dans tous les sens, une odeur absolument pestilentielle, des incendies réguliers dus à l'irrégularité des installations électriques qui sont faites vaille que vaille, plein de maladies qui circulent, de l'insécurité en tout genre, des viols, des raptes, des meurtres de toutes sortes, des suicides réguliers et de la dépression généralisée. Et enfin, dernier point et non des moindres, Moria, c'est le seul endroit dans le monde entier où Médecins Sans Frontières a une mission spécifiquement pédopsychiatrique pour essayer de détourner la volonté de suicide des enfants et des adolescents. Voilà la réalité concrète des hotspots dont on nous parlait tout à l'heure le texte de l'Union européenne. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, je n'ai pas eu la chance de voir Moria, je n'ai vu que ses cendres. En septembre 2020, vous vous souvenez, il y avait le Covid, c'était pas très chouette, mais il y avait aussi le Covid sur l'île de Lesbos, il a fini par arriver, et naturellement, ça n'a pas amélioré les choses. On a mis plein de gens en quarantaine, dans des conditions encore pires que les conditions que je viens de vous décrire, et donc, ils ont fait naturellement la seule chose qu'ils avaient à faire, ils ont foutu le feu au camp. Ils ont brûlé le camp, tout a brûlé sur 2-3 jours, sauf la prison, fait notable, et alors, miracle, on ne dénombre aucune victime sur les 13 000 personnes qui étaient alors dans le camp. Mais du jour au lendemain, ces 13 000 personnes se sont retrouvées à la rue. Elles ont passé une dizaine de jours à la rue. Les gens et les enfants dormaient dans des cimetières, sur des parkings. Et devant la catastrophe humanitaire qui s'annonçait, le gouvernement grec, l'UNHCR et les ONG se sont retroussés les manches pour construire un nouveau camp temporaire qui devait le rester et ont forcé les gens à rentrer dans ce camp. C'était un camp construit avec des tentes UNHCR. Les tentes UNHCR, c'est juste des bâches, ça ne tient pas à la première tempête, c'est capoute, ça s'effondre. Donc des centaines de tentes, des familles forcées à rentrer dans ces tentes, à 3 ou 4 familles. Et le site sur lequel ils ont choisi de construire ce camp, c'était un autre camp militaire et d'entraînement grec, le long de la mer, cette fois, sur la côte, vraiment face aux vagues et face à la Turquie, petite piqûre de rappel, parce que c'était aussi un ancien camp militaire, donc c'était plus facile, les grillages étaient déjà là. Malheureusement, il y avait des pollutions de plomb dans le sol avec toutes les munitions, les douilles et tout ce genre de trucs avec lesquels les enfants peuvent jouer quand il y a de la pluie, mais ça, c'est bien sûr des détails. Donc, rien n'a été prévu pour ce nouveau camp, c'est le camp de Karatepe, c'est le nom de la colline, pas de tuyaux d'évacuation des eaux, pas de système de chauffage, pas d'eau chaude, pas d'eau courante tout court, Et les gens ont traversé l'hiver dans ces conditions absolument déplorables. En 2020, ils étaient dans le froid et aux premières tempêtes, les tentes cassaient, les gens étaient submergés. Enfin, ça, c'est là que j'ai commencé à travailler dans ce camp, c'était très intéressant. Alors, à l'époque, il y avait en octobre 2020, 8000 personnes qui vivaient dans ces conditions, majoritairement des familles afghanes. Le camp comptait 30% d'enfants. Je vous parle de petits bouts de 3-4 ans, comme ça, qui jouaient à côté des barbelés. Ces conditions que je vous décris peuvent bien sûr faire peur et sauter aux yeux, mais elles ne doivent pas détourner du danger principal auquel font face les réfugiés qui vivent dans ce camp, c'est l'absence quasiment totale de protection administrative. En effet, les procédures, elles sont tellement nombreuses pour les Grecs qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Elles prennent des mois, voire des années. Il y a des gens qui sont là-bas depuis 2-3 ans, qui ont attendu dans le premier camp, le deuxième, qui n'ont toujours pas eu leur demande régulée. Les refus d'autorisation de demande d'asile ne sont pas clairement motivés. Les textes qui sont rendus sont faits en grec, donc les gens ne savent pas lire le grec, c'est compliqué à lire le grec, vous pouvez essayer. Les traductions sont approximatives, truffées d'erreurs, et donc c'est absolument monstrueux d'un point de vue des droits de ces gens. Si vous êtes un demandeur d'asile et que vous voulez avoir l'aide d'un avocat privé par vous-même, il vous en coûtera 300 à 500 euros par consultation. Et pour introduire des demandes plus importantes et faire avancer votre dossier, l'avocat vous demandera 3000 euros sans aucune garantie de réussite, bien entendu. Alors quand on sait qu'un réfugié à Lesbos reçoit 75 euros par mois du gouvernement grec, ça devait être 90, mais ils ont coupé 15 euros, allez savoir pourquoi, 75 euros par mois, et que la police dans les camps passe son temps à foutre des amendes Covid dans tous les sens pour non-respect du masque, ils collectionnent des petits papiers roses de 150 euros, c'est très difficile dans ces conditions de se payer un avocat. Donc, vous allez me demander, mais pourquoi des conditions aussi déplorables? N'y a-t-il pas d'argent? Que fait l'Europe? Eh bien, si, de l'argent, bien évidemment, il y en a même beaucoup. Nous vous avons tout à l'heure parlé du nouveau pacte sur la migration et l'asile de la Commission européenne, avec des objectifs. Pour remplir ces objectifs, l'Union européenne a financé en 2021, à hauteur de 276 millions d'euros, une série de camps sur les îles grecques, dont je vous ai parlé. Les îles grecques, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de construire trop de murs, ils sont déjà sur une île. Comme je vous l'ai dit, ça prend 12 heures pour retourner à Athènes, donc on est sûr qu'ils ne vont pas trop bouger. Le premier camp a été inauguré à Samos pour la bagatelle de 43 millions d'euros. Alors là, ces nouveaux camps, ils sont un peu plus high-tech, c'est pas la même ambiance. Il s'agit de centres fermés, à ciel ouvert, mais fermés, et surveillés. Ils sont entourés de murs, de barbelés et de caméras, de scanners à rayons X, de portes magnétiques, de badges à puces électroniques. On est vraiment dans le futur et la science-fiction, c'est merveilleux. Les occupants ne peuvent quitter le camp qu'entre 8h et 20h. On leur donne une carte spéciale, un badge, et si jamais ils ont un refus de leur demande ou si jamais ils n'ont pas encore reçu ce badge, ben ils n'ont tout simplement plus la liberté de quitter le camp. Donc on parle de gens qui n'ont commis aucun crime, qui viennent simplement déposer une demande d'asile et qui n'ont plus le droit de sortir. Ils sont en prison, et ça, c'est un mépris fondamental des droits internationaux et une utilisation à mauvais escient de l'argent de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, sur le camp de Lesbos, il y a moins de monde. Alors je vous parle, je pense qu'il y a encore 3000 personnes. Il y en a beaucoup qui sont partis d'eux-mêmes, dégoûtés. Il y en a quelques-uns qui ont été transférés. Mais la raison pour laquelle il y a moins de monde, c'est surtout parce qu'on empêche les gens d'arriver. Les gens continuent à partir de Turquie. Mais il y a systématiquement des pushbacks effectués en mer, on vous en a parlé tout à l'heure. Alors en quoi ça consiste un pushback? Ben, vous êtes sur votre bateau, vous croisez un bateau de garde-côte européen, de garde-côte grec, vous vous dites « Hourra, je suis sauvé !» Non, non, non. Ils vous chopent, ils coulent le bateau, ils vous tabassent, ils vous prennent votre argent, ils brûlent les documents, les téléphones, et ils vous remettent dans un matelas pneumatique au milieu de la mer, à la dérive vers la Turquie. Ils vont même plus loin, ils vont chercher des gens qui sont arrivés sur les îles et ils les refoutent à la mer. On est complètement dans un délire et une horreur totale. On a encore franchi des étapes supplémentaires dans cette horreur parce qu'on commence à criminaliser les migrants eux-mêmes qui arrivent. Il y a eu un cas ici très malheureux cette année, un naufrage absolument dramatique. Un jeune homme de 26 ans a perdu son fils de 6 ans dans le naufrage. Il a été poursuivi par le gouvernement grec pour mise en danger de mineurs. Donc on l'a attaqué pour la mort de son propre fils. Et on a poursuivi aussi Celui qui pilotait le bateau, Hassan, ça c'est une pratique régulière des passeurs, ils montent sur le bateau, ils ne montent pas eux-mêmes parce que c'est trop dangereux, ils prennent quelqu'un au hasard, ils lui mettent la barre dans les mains, et c'est eux qui vont, ils n'ont pas le choix, ils doivent conduire le bateau sinon tout le monde meurt. Quand ils arrivent, les Grecs les arrêtent, c'est directement 25 ans de prison. Ça, c'est le contexte, le contexte pour tout ce qui est passage dans, en mer Égée où la, il n'y a plus de flotte civile qui intervient pour aider les gens. Que dire encore? Je pense qu'on en a déjà entendu beaucoup sur la traversée. Peut-être juste un dernier mot. Dans la même logique de tout cet argent de l'Union européenne, ben la construction d'un mur, le long du fleuve Evros. Son coût d'entretien par jour est de 3 millions hors frais. Non, pour le construire, c'est 3 millions par jour hors frais. Et on a donc 192 km de frontières gréco-turques qui ont déjà été sécurisées. C'est de nouveau la même histoire pour les armateurs, c'est tout bénef. On a des drones, des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, le must du must et la dernière nouveauté, des canons sonores tirant des rafales de bruit assourdissants et pouvant atteindre le volume d'un moteur à réaction, déployable depuis un petit camion. Voilà, la recherche, et on n'arrête pas le progrès quand il s'agit de repousser les gens et d'aller au fond de l'horreur. Je pense que nos oreilles et nos âmes ont entendu assez de choses pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre courage de nous avoir accompagnés le long de cette marche. Et je vous invite maintenant à un petit moment de recueillement et de pensée pour toutes ces personnes qui ont trouvé la mort aux frontières de la forteresse Europe. Nous allons nous diriger vers... Nous allons directement passer au Mont des Arts. Nous allons rejoindre d'autres actions. Peut-être lire certains des noms de la liste 44,000 names. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et la route continue avec les autres. Ευχαριστούμε. Le transgénal.